car n'aurait pu te différencier des autres jeunes dans ton quartier. Mais une fois le crâne rasé, comme un paria, ils t'ont jeté. Au lycée, ils t'ont jugé. Ta fierté doit m'égêner. Celle que tu portes tatouée, les couleurs du drapeau français. Ce qui est rejeté, je te reproche. Ce qui est point serré, jamais tu ne voudrais changer. Yeah, yeah, yeah. Les gens qui osent te regarder voient en toi la croix jamais. Ce contre qui tes parents ont.